Merci Tiffaine de Rocchini, je vous dis à lundi et les auditeurs vous retrouvent demain. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. La compagnie des auteurs, semaine Toni Morrison, épisode 4. Bonjour à toutes et à tous. Une semaine entamée par le portrait que Florence Noiville et Christine Laferrière ont fait lundi de la romancière américaine née à Lorain dans l'Ohio en 1931 au sein d'une famille d'ouvriers et qui suivra un parcours universitaire d'excellence en passant par Cornell et Howard avant de devenir éditrice et de publier son premier roman sur le thème qui la hante alors, l'idée internalisée de la différence raciale. Et puis elle approfondira son œuvre en revisitant la question de l'histoire, de la mémoire et de l'oubli avec notamment son roman Beloved, comme nous l'avons vu mardi avec Claudine Reynaud dans une émission toujours disponible à la réécoute. Enfin hier, nous sommes arrêtés avec Annie-Paul Miel de Prinsac sur la philosophie « pragmatique » entre guillemets de Morrison qui passe par exemple par la place de la cuisine et des objets dans son œuvre. Et aujourd'hui ? I love to love, want plenty of love each night. Say I love to love, it's so good, it can't be right. Et bien aujourd'hui, en seconde partie de cette émission, la critique littéraire Josiane Savigno viendra nous parler en particulier du roman de Toni Morrison, Paradis. Mais d'abord, pour évoquer notamment ce que serait un art spécifiquement noir en littérature selon Toni Morrison, nous sommes avec vous, Vanessa Sylvanis, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en littérature et civilisation des pays anglophones, auteur d'une thèse intitulée « Poétique de la dissimulation dans les œuvres de Toni Morrison et Derek Walcott, différences et nouveautés dans la culture » que vous avez soutenu en 2014 à l'Université Paris 8 et dont on va parler aujourd'hui. Alors dans cette thèse, vous commencez par souligner que Toni Morrison a eu un peu de mal à se faire admettre dans le monde de la littérature. Vous diriez que ses débuts ont été difficiles de ce point de vue-là, Vanessa Sylvanis? Eh bien oui, ses débuts ont été difficiles. Oui et non, il ne faut pas oblitérer le fait qu'elle était éditrice avant cela. Et du coup, la littérature, ou en tout cas l'écriture par des personnages, enfin des auteurs afro-américains, elle connaissait déjà, puisque elle s'était confrontée elle-même à une sorte de bataille, parfois, avec ses collègues, pour pouvoir imposer une certaine littérature. Donc, une fois son premier roman publié, qui a été écrit pendant qu'elle-même travaillait en tant qu'éditrice et aussi en donnant des cours, il a été reçu assez mal par la critique, parce qu'on a une époque aussi où on demande aux Noirs d'être beaux, en tout cas « Black is beautiful », c'est la période du Black Power aussi. Et dans ce premier roman, Toni Morrison ne décrit pas la beauté spécialement, mais au contraire, tout le mal-être, les malaises et la laideur. En fait, justement, vous disiez tout à l'heure introjecté ou intronisé, je ne sais plus ce que vous disiez, mais en tout cas, absorbé de l'intérieur. Oui. Donc on lui a reproché ça, et ce n'est pas bien passé, oui. En effet. Oui. Et Beloved aussi a reçu un accueil assez mitigé. Au départ, on attendait que ce roman ait des prix, et puis il n'en a pas eu d'abord. Voilà, alors du coup, une fois que ce roman est publié, en effet, on s'attend, puisque Toni Morrison commence à être reconnue, son talent commence à l'être également, elle, sa posture en tant qu'auteur l'est aussi, donc on s'attend forcément à un prix, et en fait, on ne lui donne pas. Donc vous avez toute la communauté afro-américaine qui se réveille et qui monte au créneau et qui des pétitions. Voilà, des pétitions, ça arrive souvent hein, quand vous avez des injustices en tout cas subies ou vécues par la communauté. Donc on se demande pourquoi en effet elle n'a pas reçu de prix alors que ce roman est quand même quand même magistral, et qu'il parle d'un épisode, bah oui, caché de l'histoire, ou en tout cas sa manière de le décrire, sa manière d'écrire, excave ou refait ressortir des épisodes cachés. Mmh. Voilà, comme les traumas intimes, l'expérience de l'intérieur, de l'esclave, du personnage noir. Bon, et quand même, après, ce roman, peut-être à cause d'ailleurs de la mobilisation, a aussi obtenu le Pulitzer. Oui. Et puis, ce sera quelques années après, en 1993, le prix Nobel. Donc là, il y a une reconnaissance tout de même qui est extrême. On peut difficilement aller plus loin. Oui. Alors, qu'est-ce qu'un écrivain noir? C'est un peu la question que vous posez dans votre thèse, Vanessa Silvanise. Mm-hmm. En octobre 1988, vous soulignez que Toni Morrison avait présenté un texte très important, qui avait été commandé par l'Université du Michigan sur la présence afro-américaine dans la littérature, dans lequel elle s'interroge justement sur ce qui constitue l'art noir et ce qui peut faire un écrivain noir. Est-ce que vous pouvez donc nous parler un petit peu des débuts de l'émergence de cette question pour Toni Morrison? Oui, alors je vais vous en parler, en tout cas je vais essayer de le faire. Vous y arriverez sans doute. Oui, j'espère bien. C'est dès le départ, en fait, dans ma thèse, moi ce que j'ai voulu interroger, c'est en effet le qualificatif noir, ce qui représente aux États-Unis et ce qui représente pour nous en France aussi, en français. Mmh. Donc, mon interrogation, elle était double. Donc, qu'est-ce que ça signifie « black » aux États-Unis, écrire ou produire un art noir? Qu'est-ce qu'être écrivain noir? Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici en France? Donc, Toni Morrison s'est posé la question et, par exemple, au cours de mes recherches, puisque je travaillais notamment aussi sur des questions diasporiques, donc, qu'est-ce qu'être écrivain noir ou artiste noir, pas uniquement aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Sud, aux Antilles, même en Europe, etc. Toni Morrison, elle donne à un moment donné une interview et vous avez par exemple dans un volume du spécialiste des études culturelles Paul Gilroy, une interview dans laquelle, si je vous permettez de la citer, elle répond et elle dit donc les principales qualités que doit posséder l'art noir sont les suivantes. Il doit posséder la capacité d'utiliser des objets trouvés et doit cacher tout effort. Il doit paraître tranquille et facile. S'il vous fait transpirer, c'est que vous n'avez pas fait votre boulot. Vous ne devez pas laisser voir les coutures. J'ai toujours voulu développer une manière d'écrire qui soit irrévocablement noire. Je ne possède pas les ressources du musicien, mais je pense que si c'est de la littérature noire, elle n'est pas noire parce que moi je le suis. Elle n'est même pas noire à cause de son objet. Ce doit être quelque chose d'intrinsèque, d'indigène, quelque chose dans la façon dont c'est construit. Les phrases, la structure, etc. Donc, l'art noir, c'est pas, ou en tout cas être écrivain noir, c'est pas le fait d'être noir au départ, c'est de réussir à produire quelque chose qui soit de l'ordre de l'authentique et de retranscrire une histoire de l'intérieur. Puisque Toni Morrison, ce qu'elle souligne souvent, c'est justement que l'expérience noire a souvent été décrite de l'extérieur, par le regard blanc, même bienveillant, hein, qui pouvait exister. Non, elle, ce qu'elle veut, ce qu'elle cherche, c'est écrire quelque chose qui soit de l'ordre du regard intérieur sur soi-même. Mais est-ce que c'est pas la définition, tout simplement, de la littérature, quelle qu'elle soit? Oui, mais là, en tout cas, c'est problématiser ça par des questions raciales, des questions de domination, des questions de pouvoir à l'intérieur de la langue, à l'intérieur de sa manière de concevoir la création artistique, et puis la publication, l'édition qu'elle connaît très bien d'avoir été éditrice. Mmh. Voilà. Mais alors du coup, finalement, c'est une interrogation qui va au-delà de la littérature aussi. C'est une interrogation plus générale sur la culture. Oui. L'idée qu'on se fait finalement de la place de l'autre dans la culture, comment on imagine l'altérité dans ce grand champ de la culture. Oui. Oui, et comme je vous le disais, mon interrogation principale, c'était qu'est-ce que noir veut dire? Qu'est-ce qu'on met derrière le mot noir? Alors, c'est un terme en français même qui va souvent comme allant de soi. Et j'ai voulu déconstruire ce que ça voulait dire, mais surtout grâce aux auteurs que j'ai traités. Donc, Toni Morrison et Derek Walcott, qui est un Sainte-Lucie anglophone. Et j'ai bien vu, de toute façon, j'étais obligée de m'y confronter, que noir ne voulait pas dire la même chose, en tout cas black ne voulait pas dire la même chose chez l'un comme chez l'autre. Donc, là où on s'attend à une uniformité, en fait, celle-ci est démentie par les textes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire chez l'un et chez l'autre? Alors, Toni Morrison, elle est donc afro-américaine ou africaine-américaine, comme on dit maintenant, c'est-à-dire qu'elle vient de cette histoire-là, d'une histoire où l'esclavage s'est déroulé sur le territoire. Elle vient aussi d'une tradition littéraire où les Noirs ont pu, les esclaves et leurs descendants ont pu écrire leur propre histoire à travers les slave narratives, les récits d'esclaves. Mmh. Elle a, il y a quand même avant elle aussi de grands auteurs, Langston Hughes, Ralph Ellison, bon, là j'en passe hein, vraiment. Et on sait bien aussi, enfin on sait bien, je pense qu'on a conscience en France aussi que noir aux États-Unis c'est quelque chose de très affirmé. C'est on est soit justement la goutte de sang qui fait la différence. Hein, vous pouvez être métis ou paraître blanc, mais en fait vous avez la goutte de sang, vous êtes noir. Mmh. C'est quelque chose qui n'est pas du tout le cas aux Antilles. Aux Antilles, il y a une hiérarchisation de la couleur. Il y a en effet aussi, disons pas cette goutte de sang, mais le fait en effet que vous êtes descendant d'esclaves, mais on n'est pas, si vous voulez, dans une scission dichotomique tranchée. C'est la question du colorisme. Voilà, on est dans quelque chose qui s'échelonne et qui échelonne justement le racial aussi. Donc plus on se rapproche évidemment du blanc, et mieux c'est, plus on est proche de la beauté déjà, plus on est proche du pouvoir. Voilà. Donc c'est pas la même chose. Derek Walcott aussi, d'ailleurs c'est assez significatif. Toni Morrison et Derek Walcott se ressemblent physiquement, mais tous deux sont assez clairs. Mm-hmm. Ils ont les yeux clairs. Toni Morrison, elle dit je suis noire. Derek Walcott, lui, peut le dire, mais encore c'est pas vraiment affirmé. Il dit qu'il est antillais, caribéen, et c'est quelque chose qu'on sait que voilà. Mais alors comment ça se traduit littérairement alors dans les œuvres de l'une et de l'autre? Alors justement, c'est le travail comparatif qui était le mien, c'était de trouver les similitudes et les différences. Donc comment ça se traduit chez Morrison, puisque c'est elle qui nous occupe? Il y a un jeu pour moi. Un jeu entre ce qui est admis ou ce qui est censé l'être et ce qu'elle façonne. Donc être noir, c'est plus un présupposé, c'est quelque chose qui va être affirmé, d'accord, par la suite ou dans les discours que certains de ces personnages vont avoir, notamment sur des questions politiques, sur la question, par exemple, je pense là au chant de Salomon, où vous avez le personnage de guitare qui s'oppose à son ami le laitier Milkman. Comment réagir vis-à-vis de la violence raciale? Est-ce qu'on plie? Est-ce qu'on est dans la servilité? Ou au contraire, est-ce qu'on renvoie une violence similaire? Bon, eh bien, Toni Morrison déconstruit finalement ce que ça veut dire noir par rapport, par exemple, à des signes que moi j'ai appelés, si vous voulez, une espèce de nébuleuse du secret, l'écriture de la dissimulation. Donc ces signes-là, ça va être un mal ontologique, des cicatrices, ça va être des fantômes, la hantise, quelque chose qui ne passe pas du passé, ça va être la misère sociale, ça va être l'assignation à la différence systématique, notamment par exemple aussi l'expérience de la petite Pécola dans L'œil le plus bleu, qui se retrouve face à un épicier qui littéralement ne la voit pas, alors que finalement le visible de la couleur de peau et de la mélanine crée une sorte d'antagonisme, puisque être noir c'est être vu et en même temps on ne vous voit pas. Donc voilà. Et chez Derek Walcott c'est un peu différent, parce que il y a une dualité ontologique entre le blanc et le noir, et qu'il y a aussi, si vous voulez, les différentes présences survenues dans les différentes îles des Caraïbes. Donc, c'est beaucoup plus complexe, en fait. Mm-hmm. Chez Toni Morrison, c'est complexe aussi, mais c'est plus dichotomique, voilà. Alors, il y a un roman qui est peut-être important dans cette définition de l'art noir que vous faites, c'est le roman Jazz. Je vous propose d'écouter ce que Toni Morrison disait de son intention quand elle a écrit ce roman Jazz. Well, I certainly am not a musician in the formal sense. Musicienne, au sens strict, no, je ne le suis pas. Whatsoever. Je n'ai pas ce talent-là du tout. But music, the references to jazz in that novel were. Les références à la musique jazz dans le roman intitulé Jazz of the book vise à aligner la structure du roman avec la structure du jazz. The things that inform jazz. Discipline. Ce qui nourrit la musique du jazz, à savoir la discipline et l'improvisation. The relationship between all the characters, la relation entre les différents personnages et décrite en parallèle par rapport à la relation entre les différents musiciens dans un groupe de jazz. La voix dominante qui cède la place aux autres instrumentistes dont le jeu peut être tout aussi important, voire davantage. Ainsi, le narrateur du narrateur jazz. À tort, le narrateur pense maîtriser la situation, mais lorsque ce narrateur écoute les autres personnages, il s'aperçoit, et le lecteur s'aperçoit, que ce qu'il y a d'important est au-delà du livre, au-dessus du livre. Et le narrateur doit admettre son échec quant à la voie établie au début du roman. Mais de cet échec naît, et c'est le cas d'une erreur en musique jazz, naît une nouvelle perception, quelque chose de plus clair. Compagnie des auteurs sur France Culture. Alors Vanessa Silvanis, finalement c'est une métaphore de la société, le jazz tel que l'envisage Toni Morrison, parce que finalement c'est une musique qui intègre ce qui a priori peut paraître comme étant une différence. La fausse note, dit-elle, devient ce qui rend belle la musique. C'est comme ça qu'il faut lire jazz et qu'il faut interpréter aussi ce titre de roman. Oui, sans doute, c'est un plaisir d'entendre sa voix, c'est toujours... Oui, sans doute. Justement, pendant que la bande-son passait, j'ai relevé aussi une autre citation qui peut-être répondre à votre question et nous aider à réfléchir davantage sur la question. Elle dit, par exemple, toujours dans cette interview dans le livre de Paul Gilroy, Black Atlantic, « J'ai recours à l'analogie de la musique noire parce que n'importe où dans le monde, elle reste noire. Je ne l'imite pas, j'en ai pris la forme. Parfois, j'entends du blues, parfois des spirituals ou du jazz. » Et je me les suis appropriées. J'ai essayé de rendre sa texture dans mon écriture, certaines formes de répétition, sa profonde simplicité, ce qui s'est déjà produit aux États-Unis avec la musique, la littérature l'accomplira un jour et quand elle l'aura fait, tout sera dit. Alors concernant l'écriture de jazz, pour moi justement elle n'est pas uniquement cette écriture dont elle parle là, justement cette manière de reproduire le jazz et les imprévus et de pouvoir justement faire quelque chose, rusé avec ces imprévus pour produire quelque chose. C'est une affaire de rythme mais qui excède aussi le roman de jazz, hein. C'est dans quelque chose qu'on retrouve, enfin que moi j'ai l'impression de retrouver dans tous ces romans, et une sorte de code secret à déchiffrer. On a le mot, on a l'assemblage des mots, on a un récit qui est construit, mais il y a aussi toujours du secret, toujours un rythme intrinsèque qui dit autre chose. Alors ça, c'est vraiment le cœur de votre thèse, oui. La question de la dissimulation, oui. Et vous expliquez que finalement, une écriture qui serait spécifiquement noire, c'est forcément une écriture qui dissimule. C'est difficile de comprendre exactement ce que vous mettez derrière ce terme de dissimulation. Oui, alors je vais tenter de vous l'expliquer. j'ai étudié du coup Toni Morrison et Derek Walcott ensemble. Ce n'est pas anodin parce que vous avez deux écrivains, donc dits noirs, mais aux Amériques. Il n'y a pas la même écriture chez des Afro-descendants d'Europe et en Afrique subsaharienne. C'est pas la même chose. Vous pouvez avoir d'autres formes d'écriture aussi aux Amériques. Simplement, chez ces deux auteurs-là, la dissimulation, c'est une manière d'écrire qui reproduit les secrets historiques, qui reproduit les secrets cachés derrière l'appellation noire, derrière les appellations raciales qui paraissent trop secrets, évidentes. Par exemple, eh bien, secret, c'est les secrets du trauma, c'est les secrets de l'aliénation, c'est les secrets de la honte, de l'humiliation. On parlait tout à l'heure de cette période. Et pourquoi les dissimuler alors ? Est-ce qu'au contraire, le rôle de l'écrivain n'est pas justement de les mettre à jour ? Parce que Toni Morrison, par exemple, dans Beloved, c'est plutôt, il s'agit de montrer justement les secrets en question. Alors justement, c'est-à-dire que cette dissimulation est paradoxale parce que en sécrétant du secret, on révèle. C'est-à-dire que quand vous prenez par exemple le roman Beloved, qui commence sur une hantise dans la maison, on n'est pas là dans quelque chose qui vous explique ce qu'est le fantôme, ce qui vous explique ce qu'est le bébé qui a été tué. On ne vous explique pas l'infanticide immédiatement. On tourne autour, on diffère le récit, et même quand on a l'impression finalement d'y accéder, eh bien ce secret peut-être révéler ce qu'on attend depuis le début, peut-être justement, enfin, moi je sais, je me rappelle quand j'ai lu Bilovitch, je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment a-t-elle pu réussir à tuer son enfant, comment... Eh bien, même quand on réussit finalement à tomber au cœur de ce récit, on se rend compte que les secrets, ils sont multiples, il y en a encore d'autres. Mais donc, en quoi c'est spécifiquement noir? Alors, parce que là, du coup, c'est tout le travail que j'ai aussi effectué autour du secret, plus vous avez une parole qui est difficile pour dire quelque chose, plus ça nous montre l'étendue du trauma, l'étendue de la violence qui a été exercée. Mmh, d'accord. Voilà. Donc, cette écriture qui montre qu'il y a secret produit aussi du secret pour toujours révéler quelque chose qui est impossible de dire parce que c'est intronisé, parce que c'est absorbé depuis des générations. Je vous propose d'écouter justement à ce sujet toujours de l'art noir, comment Toni Morrison en a parlé dans son discours du prix Nobel en 1993 à travers, vous allez le voir, la métaphore de l'histoire qui commence par « Il était une fois », puis vous allez pouvoir nous expliquer tout ça après. « Il était une fois une vieille femme, aveugle mais sage. » Ou était-ce un vieil homme, un gourou peut-être, ou bien un griot calmant des enfants agités? Cette histoire, ou une version très proche de cette histoire, se rencontre dans le folklore de plusieurs cultures. Il était une fois une vieille femme, aveugle mais sage. Dans la version que je connais, la femme, fille d'esclave, est noire, américaine, et vit seule dans une petite maison en dehors de la ville. Sa réputation de sagesse est absolument incontestée. Pour les siens, elle est la loi aussi bien que la transgression de la loi. Les égards dont on l'entoure, la crainte respectueuse qu'elle inspire s'étendent bien au-delà de son voisinage, jusqu'à la ville où les vues des prophètes rustiques suscitent bien des railleries. Un jour, la femme reçoit la visite de gamins bien décidés à prendre en défaut sa prétendue clairvoyance et à démasquer l'imposture dont il la croit coupable. Leur plan est simple. Entrer chez elle et lui poser l'unique question dont la réponse dépend exclusivement de sa différence, infirmité à leurs yeux rédhibitoire, sa cécité. Ils se tiennent donc devant elle et l'un d'eux lui dit « Vieille femme, je tiens un oiseau dans ma main. Dis-moi s'il est vivant ou mort. » Elle ne répond pas. On lui répète la question. L'oiseau que je tiens, est-il vivant ou mort? Elle ne répond toujours pas. Aveugle, elle ne voit pas ses visiteurs, encore moins ce qu'ils tiennent entre leurs mains. Elle ne sait rien de la couleur de leur peau, de leur sexe, de leur pays d'origine. Elle ne connaît que leur motivation. La compagnie des auteurs sur France Culture. Alors, pour commencer, Vanessa Silvanides, il faut dire que autant qu'un discours, c'est donc une histoire finalement, oui, qu'elle raconte. En quoi c'est important ça? Eh bien, c'est important, c'est fondamental parce que dans ce discours, elle reproduit plusieurs choses. Elle reproduit l'oralité, elle reproduit le conte, le récit du conte. Elle reproduit, elle construit et élabore une petite histoire. Une femme donc aveugle mais sage qui elle-même va être confrontée voilà à des jeunes enfants qui viennent la voir, etc. Ce qui est très important, ce sont même les premiers mots, c'est-à-dire que Toni Morrison est née dans un contexte où familial où on lui racontait tout le temps des histoires, et elle ne cesse de le rappeler. On lui racontait des histoires sur non seulement le passé familial confronté à la violence raciste, mais aussi sur cette faith in magic, cette croyance dans la magie qui faisait que dans sa famille, par exemple, on pouvait dire que voilà, on avait parlé à sa mère décédée la veille, etc. Donc là, dans ce discours, elle reproduit finalement tout ce qui est de l'ordre du terreau familial, du terreau communautaire aussi. Et ce qui est très important aussi, c'est la cécité de cette femme. Oui, c'est vrai. Pourquoi est-elle aveugle? Voilà. Alors, par exemple, on parlait de Derek Walcott tout à l'heure aussi. Il faut savoir qu'il y a aussi une figure d'homme aveugle chez lui, Seven Seas, qui s'appelle Sept Mers. Et à chaque fois, cette cécité est le moteur et le motif d'une clairvoyance. C'est-à-dire que finalement, il faut cesser... Ça, c'est un peu comme Homer, non ? Exactement, exactement. Il faut cesser de voir les représentations du réel qui sont de toute façon mensongères ou déjà orientées par la relation de pouvoir, noir-blanc, etc., pour pouvoir voir réellement... déjà l'histoire telle qu'elle a pu se produire, réintégrée avec tous ces épisodes dissimulés, etc. Et ensuite pouvoir se voir soi, tel que l'on est, détaché de tout regard extérieur, stigmatisant, voilà. Mais en même temps, pourquoi est-ce qu'elle ne répond pas aux enfants ? Elle pourrait leur dire quelque chose, même si elle ne voit pas, en effet, ce que le petit garçon tient dans sa main. Elle reste en silence. Est-ce que vous avez une idée, une intuition là-dessus ? Bien, justement, comment ce discours se termine aussi, c'est que, en ne répondant pas, elle les laisse devant une sorte de frustration aussi. C'est-à-dire qu'elle leur dit bien, elle ne peut pas savoir, finalement, puisqu'elle est aveugle. Elle est aveugle, elle ne peut pas savoir si l'oiseau qu'ils tiennent dans leurs mains est réel ou pas. Et finalement, c'est, par un détour qu'elle réussit à les faire accoucher de toute leur frustration. Et à ce moment-là, ils l'interrogent. Qu'est-ce que c'est qu'être femme? Qu'est-ce que c'est qu'être homme, qu'est-ce que c'est qu'être noir, etc. Et à ce moment-là, elle leur dit, finalement, l'oiseau que vous avez, enfin, c'est très résumé ce que je dis, assez vulgarisé, puisque c'est pas ça, hein, vraiment le discours, mais l'oiseau que vous avez présenté comme étant dans vos mains, il peut ne pas être là ou il peut être là, mais finalement, regardez ce que nous avons réussi à créer ensemble. Mmh. Et finalement, ce que nous avons réussi à créer ensemble, c'est le récit. C'est une parole unique, c'est une manière d'aborder les recoins de l'histoire et les traumas ensemble. Oui. Et c'est ce qu'elle fait elle-même avec l'auditoire du prix Nobel à Stockholm. Et c'est ce qu'elle fait finalement dès qu'on la lit. On participe aussi. Mmh. Alors ce rapport au conte, à l'histoire qui commence par « Il était une fois », on le retrouve aussi chez Toni Morrison par le fait qu'elle a édité et peut-être même écrit des livres pour enfants. Oui, avec son éclairer fils. Là-dessus avec son fils. Oui, voilà. Avec son fils. Alors justement, je vois dans cette entreprise, Toni Morrison est professeure aussi. Et elle a toujours été dans une optique de transmission du savoir. Et ça se sent même dans sa voix quand elle parle. Elle est extrêmement posée. Elle est ferme tout en étant douce et elle parle très lentement. Et cette volonté de d'écrire pour des adultes, mais aussi pour des enfants, d'aller toucher finalement chaque individu pour excaver les secrets, faire en sorte que la souffrance, les traumas soient définitivement dits, mais aussi finalement dépassés, puisqu'une fois que c'est révélé et que le secret même est révélé ou le traumatisme est révélé, eh bien on peut passer à autre chose et on peut regarder le présent différemment. Oui. Donc il y a cette transmission, cette volonté de transmission chez elle est très importante et finalement elle est au cœur aussi de son œuvre parce que voilà, éditrice, parce que professeur, parce qu'écrivain, parce que toutes ces casquettes. Oui. Alors justement étant toutes ces choses que vous dites en ce moment, Vanessa Silvanise, Toni Morrison appartient à ce qu'on a pu appeler la black bourgeoisie, la bourgeoisie noire. On sait qu'en 2005, elle a été jury au 58e, membre du jury du 58e Festival de Cannes. Et vous évoquez un petit peu justement ce côté transclasse en fait de Toni Morrison. Qu'est-ce que ça change pour vous qu'elle ait comme ça évolué, qu'elle soit passée un petit peu dans une autre sphère de la société? Est-ce que ça représente quelque chose ou est-ce qu'il ne faut pas finalement envisager les choses de cette manière-là? Alors, bon, comme vous l'avez rappelé souvent, même en introduction, elle naît dans une famille ouvrière. Bon, au fur et à mesure, elle fait des études, elle fait une thèse, elle intègre une prestigieuse université, elle devient éditrice dans un monde masculin et blanc majoritaire. Elle se bat aussi, hein. Donc, cette consécration qui arrive au fur et à mesure et qui est tout à fait légitime et naturelle pour un écrivain de talent, c'est quelque chose qui n'est pas donné au départ. Donc, vous avez chez elle aussi cette double casquette, qui est retranscrite dans les livres parce que elle manie par exemple les deux langages. Elle peut manier le vernaculaire noir et elle manipule la langue hégémonique dans sa forme la plus traditionnelle. Donc cette double casquette, si vous voulez, cette double nature, déjà, vous n'avez pas de côté antagoniste qui se confondent. Vous avez une multiplicité là. Vous avez quelque chose qui s'enrichit. Donc, comment je peux retomber sur mes pattes de manière agile? Vous êtes déjà retombé sur vos pattes de manière agile. Vous avez déjà répondu à la question. La blague bourgeoisie aussi, c'est très intéressant parce que c'est une classe sociale qui naît à partir d'un certain moment et qu'elle reproduit notamment dans son roman Love. Et je suis pas sûre qu'on puisse vraiment la ranger dans cette classe sociale là. Pour moi. En tout cas. On peut dire un mot sur Love, justement. Oui. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé encore dans la série. Oui. C'est l'histoire de Bill Cosey qui possédait dans les années 40 un hôtel pour noirs fortunés sur la côte est des États-Unis. Et en 1971, à sa mort, tout bascule puisque l'hôtel se transforme en une sorte de champ de bataille où vont s'affronter les femmes qui sont obsédées par son souvenir. Il y a 5 femmes qui se disputent sa mémoire. Ça, c'est quand même le roman, justement, de l'émergence de cette bourgeoisie noire au début des années 70. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'elle va traiter une partie de l'histoire, elle va la dévoiler, elle va la construire telle qu'on peut la connaître. Je veux dire, des Afro-Américains, quand elle parle de ce milieu social de la bec bourgeoisie, ne sont pas étrangers à ça. Ils connaissent ce que ça veut dire, ils connaissent ce que ça signifie. Mais à chaque fois, elle est dans une entreprise de montrer la complexité, les ambivalences de ces classes sociales ou de ces étiquettes. Donc, la blague bourgeoisie, finalement, qui veut accéder aussi à une supériorité sociale et symbolique, à une sorte de pouvoir représentatif, eh bien, elle comporte ses ambivalences, ses secrets, sa violence c'est intrinsèque. C'est la pensée complexe de Toni Morrison. Exactement. Regardez aussi Beloved. Beloved s'est montré l'esclavage de l'intérieur, mais on voit, on comprend bien qu'il y a toujours plus de secrets. Et ainsi de suite. Paradise, vous avez la fondation d'une ville exclusivement par des personnages noirs. Une fondation qui est vraiment calquée sur aussi la construction la ville de Ruby. Oui, et en fait, elle révèle aussi les complexités de cette fondation communautaire. Merci beaucoup, Vanessa Silvani. Je rappelle que vous êtes docteur en littérature et civilisation des pays anglophones et que vous avez soutenu en 2014 une thèse sur Toni Morrison et Derek Walcott. Tout de suite, la chronique. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Et vous le savez, tous les jeudis, notre chronique demande à de grandes lectrices ou de grands lecteurs de venir nous parler du sujet de la semaine et aussi présenter une actualité de leur choix. Aujourd'hui, nous sommes avec Frédéric Magie, directeur de la Maison Colette à Saint-Sauveur en Puisé. Bonjour à vous, Frédéric. Alors, vous avez l'habitude de venir nous parler d'écrits de femmes, ça tombe bien. Quelle place Toni Morrison occupe-t-elle, justement, dans votre galerie féminine, dans votre galaxie féminine ? Eh bien, vous l'avez rappelé, Mathieu, je travaille entouré de femmes. En face de mon bureau, il y a les portraits de Colette, bien sûr, celui de Françoise Sagan sur le tournage de Bonjour Tristesse, qui n'est pas triste du tout, celui de Joyce Mansour, à côté, un peu poseuse, à côté d'un buste de Nefertiti, Salma Lagerlöf, je vais y arriver. Après son prix Nobel de littérature, il aurait été très content, mais c'est pas le cas. Et non loin, une autre lauréate, donc Toni Morrison. Ça a peut-être arrivé. Hein. Oui, peut-être. Photographiée par Annie Leibovitz, j'aime beaucoup ce portrait. Elle est de dos, sur cette photo, le visage de profil, elle regarde en direction des nuages et elle a sur cette photo ce côté très impressionnant, moi qui me frappe beaucoup sur ces photographies, elle me fait un peu songer à Hugo, à Balzac ou à Sand photographié par Nadar ou encore à Colette, encore elle, derrière l'objectif d'Irving Penn. Il y a chez Toni Morrison ce côté imposant, cette magnifique guerrière dont parle justement Josiane Savigno dans l'entretien qu'elle a eu avec elle, à admirer, mais peut-être de loin. Voilà, mais ce n'est pas de l'auteur de Soula dont vous avez décidé de nous parler aujourd'hui, mais d'une autre écrivaine très importante, Afra Behn. Oui, bah, tout a été dit ou presque sur Toni Morrison et admirablement. Alors moi, je vous invite à un petit pas de côté, un voyage dans le temps, puisqu'on va aller à la rencontre d'une dramaturge et romancière anglaise du XVIIe siècle, la première à avoir dénoncé dans une fiction, hein, 50 ans avant les premières campagnes en faveur de l'abolition hein, menées par les Quakers, près d'un siècle avant Montesquieu ou Voltaire, la condition des esclaves noirs dans ce qui est peut-être son chef-d'œuvre, Oronoko. Alors imaginez, on est en Angleterre, sous la Restauration, donc seconde moitié du XVIIe siècle. Charles II est revenu d'exil en France. Puis c'est en Angleterre une grande période de renouveau de la vie intellectuelle, notamment les théâtres qui rouvrent. Et c'est dans ce contexte qu'Aphra-Behn, qui vient d'un milieu très modeste, eh bien, réussit à se faire un nom et surtout à devenir la première femme à vivre de sa plume grâce à son théâtre. Des dizaines de pièces, notamment ben, L'écumeur, The Rover en anglais, qui sera représentée à la cour du roi et qui sera au répertoire anglais pendant plus d'un demi-siècle. Elle vient tardivement au roman. Il faut rappeler qu'au XVIIe siècle, le roman est encore un genre mineur, considéré genre comme féminin, justement. Féminin, oui, tout à fait. Elle est très influencée d'ailleurs par le succès de Madeleine de Scudéry en France et elle va écrire 5 romans hein, avant de mourir, des milliers de pages et parmi ces milliers de pages, il y a une pépite, un chef-d'œuvre, Oronoko, hein, dont le personnage principal, pour la première fois dans une fiction occidentale, est un esclave noir. Alors précisément, qu'est-ce que ça raconte, Frédéric, ce livre Oronoko ? Alors je vais essayer d'être très synthétique. Oronoko est un prince africain. Il est l'héritier du roi de Cormentine, son grand-père. Malheureusement, eh bien, son grand-père jette son dévolu sur Imoinada, la femme dont secrètement Oronoko est amoureux. Alors une nuit, il réussit à se faufiler jusqu'au sérail et cette nuit d'amour entre Oronoko et Imoinada va sceller leur destin puisque, répudiée par le roi, Imoinada est vendue comme esclave. Mmh. On fait croire à Oronoko qu'elle est morte, mais il se lance dans une attitude un peu guerrière jusqu'à ce que, eh bien, il soit capturé par un capitaine de navire anglais qui le déporte en Guyane. Et là, il arrive dans une colonie anglaise de Suriname. Les lecteurs de Candide auront reconnu. Commence alors le second volet dit américain du roman, qui est plutôt une grande nouvelle, hein, puisqu'il arrive dans une plantation où il retrouve son amante qui avait été acquise par le même propriétaire. Elle tombe enceinte, mais très vite il craint pour l'avenir de l'enfant et il décide donc de lever une grande révolte et il emmène une centaine de ses compagnons d'esclavage. Mais malheureusement, abandonné par les siens, trahi par tous, il n'a d'autre solution que de tuer sa femme et de se suicider en tuant au passage le gouverneur. Malheureusement, il ne pourra exécuter que la première partie de son plan et finira capturé et torturé à mort. Alors en quoi peut-on dire que c'est un roman qui est un roman nouveau, Frédéric ? Bah d'abord parce que Oronoko tente d'échapper à la tradition littéraire, notamment théâtrale, qui depuis l'Antiquité avait fait de l'esclave un personnage un peu vil, fourbe, un peu voleur, qui appartenait au registre bas et comique. Chez Aphra-Behn, il n'y a pas du tout ça, il y a au contraire la volonté d'ennoblir l'esclave et je dirais même de le faire sortir du mythe pour entrer véritablement dans l'histoire. Parce que Oronoko n'est pas du tout un roman idéaliste, au contraire, Aphra-Behn est dans la recherche d'un réalisme sérieux et documenté. Il faut rappeler qu'elle-même s'est rendue hein, dans la colonie de Suriname en 1663-1664 et elle documente véritablement son récit. Yumna Sharara, qui signe une brillante et très érudite préface à l'édition de Oronoko en GF, dit d'ailleurs dans le roman d'Aphra-Behn se produit un phénomène nouveau, l'esclavage est en train de devenir une tragédie. Et on peut mesurer l'importance de ce récit dans ses échos, d'abord parce qu'il va être adapté au théâtre, traduit en France, hein, 5 traductions au XVIIIe siècle, et il va influencer beaucoup de romanciers. L'abbé Prévost, dans Le Moine et Lescaut, en transpose quasiment des passages entiers. Oui, tout de même, Voltaire, dans Candide, je l'ai dit tout à l'heure, ou dans une pièce de théâtre, L'Orphelin de la Chine. Même Victor Hugo, dans Bugge Jargal, s'inspire du texte d'Oronoko. Mais c'est à Virginia Woolf que Aphra-Behn devra véritablement sa postérité, puisqu'on lui doit cette phrase. Toutes les femmes en cœur devraient déposer des fleurs sur la tombe d'Aphra-Behn, car c'est elle qui obtient pour elle tout le droit d'exprimer leurs idées. Bon, et puis il faut dire, Frédéric Maget, que samedi prochain se tiendra à la Maison Colette de Saint-Sauveur-en-Puisaye un événement. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot. D'habitude, vous ne parlez pas de la maison que vous dirigez, mais c'est peut-être l'occasion de le faire. Oui, c'est un événement qui me tient à cœur, qui est donc le Festival International des Écrits de Femmes. Vous voyez le lien avec ce que je viens de dire. Oui. Alors, le destin, évidemment, d'Aphra-Behn me rappelle beaucoup celui de Madame de Villedieu, qui est née d'ailleurs comme elle en 1640, poétesse, romancière, dramaturge célèbre, qui elle aussi a été malheureusement oubliée. Alors à Saint-Sauveur, on va essayer de réparer un peu cet oubli pendant un week-end, une édition qui est consacrée au théâtre théâtre de femmes, depuis Rotzvita de Gandersheim, une moniale allemande du Xe siècle, jusqu'à Elfriede Jelinek, un plus connu, autre prix Nobel. Nous parcourrons en compagnie de spécialistes, d'auteurs, de journalistes, 10 siècles de création dramatique au féminin. Même Josiane Savigno, non? Il y aura Josiane qui nous accompagne très fidèlement sur cette manifestation. On rendra hommage à Janine Worms avec Claire Chazal qui lira un de ses textes. On recevra la comédienne Dominique Blanc pour un grand entretien sur sa relation à la littérature. Puis on interrogera la place des écrits de femmes dans les programmations des théâtres et des festivals d'aujourd'hui avec Carole Thibault, Ren Pratt qui était sur France Culture il y a peu, Anne Rothenberg ou encore Stanislas Nordet. Voilà, très beau programme de la 7e édition du FIEF à Saint-Sauveur ce week-end. Le programme est détaillé sur les sites maisondecolette.fr et écritefemme.fr. Merci Frédéric Maget, à bientôt. Et on continue de parler de Toni Morrison, qui est notre sujet cette semaine dans la compagnie des auteurs. Nous sommes à présent rejoints par la critique littéraire Josiane Savigno, justement, pour évoquer en particulier le roman de Toni Morrison qui s'appelle Paradis. The paradise that I wanted to project was the one that was at the end of the book. Le paradis que je voulais représenter, c'est celui qui figure à la fin du livre. Elle est assise sur la plage. Il y a là des déchets, puis l'immensité bleue et toutes sortes de gens qui se promènent. Le problème avec le paradis, c'est qu'il est fondé sur le fait que quelqu'un en est exclu. Et c'est ça le rôle de la nature. Elle exclut. On ne peut pas avoir un paradis pour tout le monde. On ne peut avoir un paradis que s'il existe un enfer pour quelqu'un d'autre. Donc, je voulais un peu suggérer la possibilité d'un paradis dont personne ne serait exclu. Et c'est un petit peu une petite étincelle à la fin du livre. Mais ces deux communautés opposées sont chacune convaincues qu'elles ont la communauté idéale, parfaite, et lorsqu'elles s'affrontent, cela conduit bien sûr à la mort et à la destruction. Toni Morrison au micro de Clémence Boulou. Bonjour Josiane Savigno, bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler donc de Paradise. Moi je préfère Paradise parce que je trouve que Paradis est un titre qui est déjà pris par un écrivain français que j'aime beaucoup qui s'appelle Philippe Solers. Mais ah bon, oui, j'ai vu que qu'on vous avait, un peu. J'ai vu qu'on avait traduit par Paradis, donc c'est pas grave. Mais moi quand je suis allée la voir, de toute façon ça s'appelait Paradise, c'était pas encore traduit. Et en fait, j'avais jamais voulu rencontrer Toni Morrison en privé, j'allais dire. Vous avez dire. Fait peur, peut-être. Oui, exactement. Ouais. Faut pourquoi, dire, c'est compréhensible. Pourquoi hein. D'abord, parce que c'est quelqu'un de très imposant. Et puis surtout, dans toutes les manifestations où je l'avais vue, souvent aux États-Unis, elle était toujours entourée d'une sorte de garde de jeunes femmes afro-américaines. Et j'en avais déduit l'idée, que je crois juste, que les Blancs lui avaient fait tant de mal qu'elle avait une méfiance instinctive à l'égard des Blancs. Donc je ne voulais pas m'affronter à ça. Mmh. J'étais finalement, craintive. Et puis, j'ai lu Paradise, que j'ai trouvé un livre absolument magnifique, qui est l'aboutissement de la trilogie commencée par Beloved et Jazz. Et j'ai lu des critiques atroces dans tous les journaux américains, que c'était trop poétique, que c'était surécrit, que ceci, que cela. Et j'étais très choquée. Donc là, je me suis dit, j'y vais, il faut que j'aille la voir. Donc je lui ai demandé si elle était d'accord pour me recevoir à Princeton. Donc je suis allée la voir à Princeton. Finalement, c'était un entretien très très passionnant, y compris avec les à côté, parce qu'on a beaucoup parlé aussi de Faulkner, puisqu'elle a travaillé sur Faulkner et Virginia Woolf, et elle me disait qu'elle ne lisait plus Virginia Woolf, mais qu'elle disait, elle relisait Faulkner. Mais on a aussi évidemment beaucoup parlé de Paradise. Mmh. Paradise, elle voulait l'appeler War, la guerre. D'ailleurs, comme le disait Frédéric Maget tout à l'heure, c'est une guerrière, c'est ça qui m'a toujours séduit chez elle, c'était le fait que d'abord, j'aimais beaucoup son style, sa langue, la manière, comme disait Vanessa, dont elle joue sur tous les niveaux de langage et utilise aussi la langue parlée, le dialecte, l'argot, et puis sa voix aussi. orale, j'allais dire, je trouve, elle devrait chanter du jazz. Elle disait qu'elle n'était pas musicienne tout à l'heure dans l'extrait qu'on a entendu. Mais elle a une voix absolument, absolument magnifique. Et dans cet entretien, sa voix, que Vanessa a souligné, très douce toujours, et, mais on voyait qu'elle était très en colère. Elle était très, très en colère. Et elle disait que les critiques avaient été choquées, que d'abord, elle en avait assez qu'on lui dise qu'elle décrivait bien les Noirs. Elle disait, est-ce qu'on demande à John Updike s'il décrit bien les Blancs? Et qu'elle avait voulu faire un livre où justement cette communauté de femmes qui sont des femmes au destin contrarié qui s'installent dans un petit village qui s'appelle Ruby, et elle disait on ne peut pas, dans mon livre, on ne peut pas distinguer leur race. Et elle pensait que les critiques avaient été très choquées par la phrase ils ont tué la blanche d'abord. Donc ça c'est la première phrase du livre. Qu'est-ce que ça voulait dire, etc. Et donc elle était extrêmement choquée, elle disait en fait maintenant le fait d'être moderne c'est une insulte. Ouais. À travers sa voix douce, j'ai perçu toute sa colère contre ces critiques qui voulaient, et finalement je pense que ça revoit à tout ce que disait Vanessa sur les particularités, quoi, qui voulaient l'assigner à une image, à un rôle qu'elle n'avait pas le droit de dépasser. Oui. Donc elle n'aurait pas eu le droit de dépasser le fait d'écrire sur les Noirs, par exemple, en restant dans le flou donc, sur la race. Donc ce roman aurait dû s'appeler War. Guerre. Il s'appelle finalement Paradise. À cause de ce qu'on vient d'entendre, oui. De ce qu'elle a dit sur la fin, après la guerre, après le heurt entre toutes ces communautés, il y a malgré tout une image positive, une forme de paradis retrouvé. Mais c'est l'éditeur qui a voulu que ça s'appelle Paradise. Oui, son éditeur américain a dit ça va pas, non, elle était très choquée et elle m'a dit bon, j'ai accepté parce qu'il faut bien ça lui ressemble pas, ça dit donc. Bah oui, mais c'est difficile, elle beau être prix Nobel Toni Morrison, elle a peut-être pensé aussi que déjà elle allait être critiquée comme on l'a vu et que alors War, ça allait en rajouter encore plus, ouais. Et puis au fond il y avait il y avait pas d'ouverture si on l'appelait War, alors que le fait de l'avoir appelé Paradise, ça ouvre sur ce qu'elle dit dans l'entretien qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire une chute qui ne soit pas complètement dans la terreur. Mais alors pour vous, Josiane Savigno, on est quand même plutôt du côté de la guerre ou plutôt du côté du paradis dans ce livre-là? Plutôt du côté de la guerre, je trouve, plutôt du côté de la guerre, plutôt du côté de la vengeance, de la volonté de détruire ce qui n'est pas dans la norme, ce qui n'est pas... Ouais. Convenable. Alors racontons un petit peu cette histoire et cette petite ville de Ruby qui a été donc fondée par des esclaves affranchis, c'est cela Josiane Savigno? Oui. Je crois que Vanessa connaît peut-être mieux l'histoire exacte de Paradise que moi. Donc en fait il y a ces esclaves affranchis qui sont des femmes et qui sont, je disais, des personnes au destin contrarié, c'est-à-dire qui n'ont pas... Alors on parlait tout à l'heure de la manière dont les Noirs pouvaient entrer dans la Black Bourgeoisie, etc. Mais il y a aussi des Noirs qui restent dans des destins très contrariés. Et au fond, la force de ces femmes, c'est d'avoir refusé ces destins pour vivre ensemble. Mais, encore une fois, sont-elles toutes noires? Sont-elles noires? Sont-elles métisses? Sont-elles blanches? Ce qui les réunit, c'est d'avoir eu des destins difficiles et de s'être réunis pour... au fond, j'aime pas trop le mot de sororité, souvent, mais il y a quelque chose de ça. Je ne sais pas si Vanessa est d'accord avec moi. C'est une idée que quand on est des femmes qui ont subi beaucoup d'avanies, le fait de se mettre ensemble dans un lieu commun, oui, est une manière de protection et une de manière solidarité, d'entraide, oui, et de finalement réussir à dépasser le mal subi, le mal. Tout à l'heure, je voulais juste revenir. Ceux qui ont construit la ville de Ruby, ce sont en effet des esclaves affranchis. C'est une ville noire réalité, par les Noirs pour les Noirs. Exactement. Et ils sont très fiers du fait d'avoir été très peu mélangés. C'est justement pourquoi les femmes qui, elles, sont installées à côté de Ruby, oui. Ça, c'est intéressant aussi ça, parce qu'elles ne sont pas dans la ville même. Elles sont dans un couvent qui est en dehors de la ville. Et voilà. Elles sont potentiellement un conflit avec les Noirs, elles contredisent complètement finalement cette idée de fondation qu'ils ont créée, qui est très hermétique, repliée sur eux-mêmes, et Consolata justement qui est indéterminée racialement. Enfin, elle est algonquine, elle serait native amérindienne. Enfin, c'est très intéressant parce qu'en effet, Toni Morrison arrive vers ce qu'elle veut faire, c'est-à-dire finalement ne plus parler de la race, en sorte qu'on la comprenne pour mieux la dépasser. Mais donc l'idée, c'est de dire, je m'adresse s'intéresse à l'une comme à l'autre, du coup, qu'il y a deux types de paradis qui s'affrontent. Le paradis des Noirs qui veulent recréer pour eux-mêmes une ville qui soit à eux, qui soit leur paradis, et qui du coup exclut une autre idée du paradis représentée par ces femmes qui vivent dans ce couvent. Elles sont encore, finalement, elles sont encore dans la guerre, justement, elles sont encore rejetées et stigmatisées parce qu'elles ne sont pas intégrées dans ce que Vanessa disait, c'est-à-dire cette ville considérée comme un endroit, non pas un ghetto au contraire, mais le contraire d'un ghetto, un endroit où tous ces anciens, enfin ces descendants d'esclaves ou ces esclaves affranchis peuvent vivre en communauté, s'exprimer, être heureux ensemble. Mais elles sont à côté et on ne sait pas trop pourquoi elles sont à côté. Pourquoi elles sont à côté? Est-ce que c'est parce qu'elles sont pas de pure race ou est-ce que c'est pourquoi elles sont à côté? En tout cas, ce sont deux utopies qui s'affrontent. Je vous propose d'écouter à ce sujet Toni Morrison. Yeah, well, those utopias are ultimately boring anyway, because of that. Oui, toutes ces utopies, elles m'ennuient finalement. Et justement à cause de cela, parce qu'il faut avoir toutes les bonnes réponses, et bien sûr, on se sent menacé si on n'est pas protégé par les bons murs, les bonnes armes, les bonnes réponses. Et la religion n'est qu'une petite partie du tableau. Bien sûr, les guerres de religion sont très graves et sanglantes, et l'histoire mondiale en est pleine. Mais il y en a d'autres qui sont tout aussi sanglantes, par exemple la cupidité, l'amour de l'argent. Dans cette écriture des dangers du paradis, est-ce qu'effectivement l'influence de Hawthorne ou d'autres auteurs vous a conduit? Est-ce que c'était aussi une façon de vous inscrire dans cette réflexion sur le paradis nocif? I never do that. I'm totally unaware of the lineage of other writers that precede me. Non, pas du tout. Je ne fais pas ça du tout. Je ne me laisse pas influencer. Je n'ai pas du tout conscience de la lignée d'auteurs qui m'ont précédé. Hawthorne, c'était le dernier de mes soucis. Ce qui m'intéressait, c'était une ville entièrement noire et le fait que parmi ces noirs, beaucoup avaient réussi. Et je me rappelle d'ailleurs avoir vu une publicité pour attirer les gens vers cette ville entièrement noire. Mais il y avait des exigences assez curieuses. Si vous n'avez pas d'argent, ne venez pas. Ah, je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, des esclaves qui disent à d'autres esclaves qu'ils ne peuvent pas les rejoindre. C'est ça que j'ai trouvé intéressant. Voilà pour cette autre extrait d'un entretien de Toni Morrison avec Clémence Boulou. Qu'est-ce que vous en retenez, Josiane Savigno? Eh ben, c'est très intéressant ce qu'elle vient de dire, parce que je pense que ce petit groupe de femmes, elles refusent d'avoir les bonnes réponses. C'est pour ça qu'on les, combat. Puisque, comme le dit Toni Morrison, chaque fois qu'on se construit un coin de paradis, il faut élever les murs qui sont les bonnes réponses. Ouais. Et elles n'ont pas les bonnes réponses, ces femmes-là. Alors, ça fait partie de la trilogie, ce roman avec Beloved et Jazz. C'est une trilogie sur l'amour. On comprend bien l'amour d'une mère pour son enfant que pourtant elle tue dans Beloved. On comprend aussi l'amour plus romantique dans Jazz. Et là, on est dans un amour qui serait un peu plus spirituel. Ce serait cela. Aussi, il y avait ce que disait Vanessa tout à l'heure, qui était la solidarité, c'est-à-dire l'amour, l'amour de d'être ensemble, de construire quelque chose ensemble qui ne soit pas conforme aux bonnes réponses que tout le monde attend. Et c'est ce que ces femmes essaient de faire. Et le fait de la question du meurtre tout de suite, c'est-à-dire tue d'abord la blanche. Et alors les autres, elles sont comment? Elles sont blanches, elles sont noires, elle est tuée parce qu'elle est blanche. Non, elle est tuée parce qu'elle est en dehors du groupe, en dehors du... En fait, c'est ça, elle n'est pas... Il n'y a pas cette notion de race, elle n'est pas tuée parce qu'elle est blanche. Et les autres ne sont pas là parce qu'elles sont blanches ou noires, on n'en sait rien. Elle est tuée parce qu'elle ne fait pas partie du bon groupe. Oui. Alors, pour terminer peut-être, parce que vous en avez parlé aussi... dans l'article que vous avez reproduit en site dans le livre dont on parlait tout à l'heure, Josiane Savigno, l'affaire O.J. Simpson, Toni Morrison n'hésite pas à écrire sur cette affaire qui est hautement polémique. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça signifie? Je trouve qu'elle a eu 100 fois raison. Il se trouve que je vais très souvent aux États-Unis et cette espèce de cirque à la télévision, cirque médiatique, du procès O.J. Simpson. Je ne sais pas s'il était coupable ou pas. Je n'en D'ailleurs, sais, elle, elle-même ne se pose pas tellement cette question-là. Elle-même s'en moque, en fait. Elle s'en moque. On ne peut pas vraiment se moquer de savoir si quelqu'un est coupable d'avoir tué sa femme ou pas, mais elle dit que ce qu'elle dénonce, c'est le cirque qu'on en a fait. C'est-à-dire le fait qu'à la télévision, on projetait ce procès. Bon, déjà, moi, je me suis occupée de justice au monde avant de m'occuper des livres. Je suis assez hostile au fait qu'on filme les procès, sauf quelques procès exceptionnels, disons Barbie, etc., parce que des documents pour l'histoire, mais qu'on filme des procès de cour d'assises, je trouve ça extrêmement choquant. Et donc, j'étais extrêmement choquée de voir à la télévision O.J. Simpson sans arrêt et tous les gens qui étaient là en train d'être très contents. Ça y est, on voit un meurtrier, il est noir, il a tué sa femme, blanche évidemment. Et donc, que Toni Morrison se soit engagé, ça m'a beaucoup touchée. Parce que c'est un réel engagement c'est simplement un œil extérieur sur ce que cette affaire signifie du monde tel qu'il va. Je crois que c'était quand même un réel engagement sur ce qu'on peut, comment on peut emphatiser la figure du criminel noir. C'était ça qui l'a choqué et qui me choque aussi. Bon, un roman à lire absolument de Toni Morrison. The Paradise, bien sûr. Paradise. Le plus important pour vous. Hein. Je pense que c'est... Non, le plus important, je ne suis pas sûre, parce que Jazz est un livre que j'adore, mais c'est peut-être le plus abouti, parce que comme on le disait, et comme l'a souligné Vanessa, elle dépasse les clivages, c'est-à-dire il y a les Noirs et les autres dont on ne sait pas qui ils sont. En tout cas, il faut la lire. Merci, Josiane Savigno. Je rappelle votre livre, il s'appelle La Passion des écrivains, rencontres et portraits. Il est publié chez Gallimard. On peut signaler également la reparution en mai dernier de votre biographie de Carson McCullers, le livre de poche. C'est la fin de cette série consacrée à Toni Morrison. Nous devons l'émission d'aujourd'hui à Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost, Laurence Millet, Laurence Genepin, Stéphanie Vellin et Kevin Boisseau. Lundi, on se retrouve pour parler de Franz Kafka à l'occasion de l'apparition d'une nouvelle édition de ses œuvres en Pléiade. Mais tout de suite, c'est le retour de la poésie portugaise cette semaine dans la voix de Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour la compagnie. Lorsqu'on lit « Le gardeur de troupeaux » de Pessoa, il est de tradition de citer le Tage. Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village, mais le Tage n'est pas plus beau que la rivière qui traverse mon village. Aujourd'hui, il conviendrait de le moderniser, de le prendre pour aujourd'hui plus global, enfin s'opposant au local, comme le progressisme s'oppose à la tradition. C'est comme s'il parlait d'autoroute et qu'on n'a pas le choix. Vous savez, l'autoroute, hein, c'est plus vite en moins de temps. Uniformité mouvement comme nouvelle métaphysique. L'autoroute est route d'elle-même. Dorénavant, nous allons tous en même temps au même endroit. Citation Jacques Darras. Chut, chut. Le Tage est plus beau que la rivière qui traverse mon village, mais le Tage n'est pas plus beau que la rivière qui traverse mon village, parce que le Tage n'est pas la rivière qui traverse mon village. Il y a de grands navires sur le Tage, sur lequel navigue encore, pour ceux qui croient voir partout ce qui n'est pas là, la mémoire des grands vaisseaux. Le Tage descend d'Espagne et le Tage se jette dans la mer au Portugal, tout le monde sait ça. Mais peu de gens connaissent la rivière de mon village, où elle va, d'où elle vient. Et c'est parce qu'elle appartient à moins de gens que la rivière de mon village est plus grande. Et plus libre. L'essentiel est que nous sachions voir, voir sans penser, voir quand on voit, et non pas penser quand on voit, ni voir quand on pense. Il m'arrive, certains jours où la lumière exacte et parfaite donne aux choses toute leur réalité, de me demander tout doucement pourquoi, moi, j'attribue de la beauté aux choses. Une fleur aurait-elle de la beauté? Un fruit aurait-il de la beauté? Non, ils ont une couleur et une forme, à peine une existence. La beauté est le nom qu'on donne à ce qui n'existe pas, que je donne aux choses en échange du plaisir qu'elles me donnent. Ça ne signifie rien. Alors pourquoi je dis des choses? Elles sont belles. Qu'il est difficile d'avoir des yeux et de ne rien voir, sinon le visible. Autre poème. 35. Le clair de lune dans les hautes branches, Tous les poètes vous diront qu'il est plus que le clair de lune dans les hautes branches. Mais pour moi qui ne sais pas ce que je pense, ce que le clair de lune dans les hautes branches est au-delà de ce qu'il est, le clair de lune à travers les hautes branches est de n'être pas plus que le clair de lune dans les hautes branches. Et il y a des poètes qui sont des artistes qui peinent sur leurs vers comme un menuisier sur ses planches. Qu'il est triste de ne pas savoir fleurir, d'avoir à poser vers sur vers comme on construit un mur pour voir si ça tient et le détruire si ça ne tient pas. Merci Jacques Bonafé, vous nous lisiez des poèmes de Fernando Pessoa.